Dans le climat social dans lequel les gens vivent présentement, on remarque qu'il y a une denrée rare quand il est question de structurer un projet, de développer une forme quelconque d'action, c'est la certitude. Évidemment, les gens qui doivent agir ou prendre des décisions rapides sont souvent confrontés aux doutes, aux tensions des autres. Nous recevons maintenant Bernard de Montréal ce soir pour nous parler du transfert de la certitude. Bernard de Montréal. Un gros trou en siège, un drac, mais là, on s'est assis là avant moi. J'en ai un également sur le mien. Bonsoir, Bernard. Bonsoir. Bonsoir, Bernard, on parle du... Chose intéressante. Oui. C'est vous qui rendez la situation intéressante. On parle du transfert de la certitude. Est-ce une possibilité, une illusion, une réalité? Est-ce qu'il est possible pour un individu qui dispose naturellement dans sa vie d'une grande certitude dans ce qu'il pose comme geste, comme décision dans la vie, est-ce qu'il est possible de transférer cette certitude-là dans les mêmes formes, dans les mêmes champs d'action à des gens qui l'accompagnent? C'est un peu l'atmosphère de la première partie. Évidemment, moi, je me pose la question, est-ce que ce qui est naturel chez un individu peut être représenté ou revécu par d'autres comme dans une condition naturelle? Vous, vous disposez d'une certitude. Est-ce que vous pouvez, par un médium quelconque, transférer cette certitude? Est-ce que c'est une réalité? Pour transférer la certitude, ça demande un processus de rééducation. De rééducation. Oui, il faut rééduquer l'individu à vivre plus près de sa conscience, plus près de sa réalité. C'est un processus de rééducation dans le sens que l'homme vit sa conscience sur le plan de la personnalité. Il ne vit pas tellement sa conscience sur le plan de sa personne, donc il est très loin de son centre de gravité. Puis, la certitude, dans le fond, c'est la transposition dans l'action d'une vibration, qu'on soit inconscient ou conscient, d'une vibration qui passe à travers l'âme, qui se manifeste à travers l'ego, et que l'ego est capable d'accepter avec un certain degré de facilité. Dans la mesure où l'ego a beaucoup de sécurité, dans la mesure où l'ego a un centre de gravité très développé, ou une conscience, ou qu'il est plus près de sa conscience réelle, la certitude est plus facile, est plus atteignable. Pour répondre à la question, si on veut ou on doit la transférer, il faut rééduquer la personne, il faut rééduquer l'homme, il faut lui faire reconnaître et comprendre que la certitude, c'est le point de focalisation de son intelligence. Il y a des variantes là-dedans, là. C'est évident que les hommes peuvent être certains à différents degrés. Mais la certitude, c'est le point de focalisation de l'intelligence. Quand tu es intelligent, la vibration passe, la certitude, c'est la conséquence de cette prise de conscience-là. Je dis que l'homme doit être rééduqué, au sens qu'on n'est pas éduqué à être certain. Parce qu'on est éduqué à vivre nos perceptions, nos opinions, nos états de conscience mentale ou émotive en fonction de la conscience de la race. Donc, plus on agit en fonction de la conscience de la race ou des valeurs de la conscience de la race, moins on agit par rapport à notre centre de gravité, par rapport à cette émission vibratoire de l'intelligence, parce que l'intelligence est une vibration, et plus on a tendance à colorer cette vibration, donc la diminuer dans son intensité, la diminuer dans sa focalisation, de sorte qu'on perd de la certitude. Et si on perd trop de certitudes dans la vie, on diminue nos chances d'atteindre ce qu'on pourrait appeler les hauts niveaux de performance. Il y a des gens qui ont une certaine certitude ou qui ont une grande certitude, qui ont des hauts niveaux de performance, mais ils sont inconscients. L'être humain conscient peut avoir des très hauts niveaux de performance aussi, qui sont moins colorés que chez l'être inconscient, de sorte que les conséquences sont pas aussi néfastes. Mais ça demande toujours, pour l'être conscient, puisqu'on parle de l'être conscient, ça demande toujours une capacité de dépasser les limites psychologiques de la conscience individuelle par rapport à la valeur relative que lui impose ou que lui ordonne la conscience de la race. Vivre en dehors de la conscience de la race, c'est un tour de force pour l'être humain. Quand vous parlez d'être conscient qui développe une certitude, est-ce que vous sous-entendez que cet individu-là a une certitude exclusivement fondée sur sa personne? Il y a l'être conscient a une certitude exclusivement fondée sur sa personne, alors que l'être inconscient il y a une certitude fondée sur sa personnalité au détriment de la des autres personnalités. Un être humain inconscient qui vivrait sa certitude la vivrait au détriment. C'est pas nécessairement un détriment évident, mais il y a un détriment quelque part au cours de l'expérience qui éventuellement, je vous donne un exemple là pour ramasser ça. Si on prend la science atomique. Mm-hmm. Les déchets radioactifs. Donc, la certitude scientifique au niveau de la méthodologie, la recherche, le développement, on l'a. Mais cette certitude, elle est vécue au détriment de la population, de la sanité matérielle de la population, par le fait même qu'on n'est pas capable de se libérer des détritus radioactifs qui viennent de cette recherche certaine de la science mécaniste. Donc, dans la certitude inconsciente de l'homme, il y a toujours des conséquences néfastes pour d'autres personnalités parce que cette certitude n'est pas basée sur de la conscience. Elle est basée simplement sur une performance psychologique. Alors que la certitude de la conscience crée comme conséquence une performance créative. Il y a une grosse différence entre une performance créative et une performance psychologique. Il y a des gens qui sont très performants psychologiquement, mais à cause de l'inconscience de la performance, au cours ou en conséquence ou par rapport à la conséquence de cette performance inconsciente-là, vous voyez au cours de la vie, après un certain nombre d'années, après une certaine génération, au niveau de la science, c'est la même chose, vous voyez qu'il y a des conséquences néfastes. Tandis que chez l'être conscient, la conséquence de la performance créative, elle est toujours ascendante. Il n'y a pas de conséquence néfaste. Donc, la distinction là, est importante entre les différentes certitudes, une étant subjective, l'autre étant objective, une étant reliée à la personnalité et ses fondations psychologiques, et l'autre étant reliée à la personne et ses fondations psychiques. Donc, la façon dont je le comprends, c'est qu'il semble y avoir deux sources de certitude. Il y a deux aspects, deux caractéristiques particulières. Une venant d'une certaine domination de la personnalité, l'autre venant d'une certaine présence de la conscience à travers la personne. Bon, maintenant, si on demeure dans l'aspect de la conscience, la certitude que l'individu acquiert dans sa vie, est-ce que c'est quelque chose qui est parti à zéro et grandi, ou c'est quelque chose qu'il a acquis avant son incarnation, ou qu'il a avant son incarnation, et qu'il exprime dans son incarnation? La certitude, c'est une vibration qui part du plan mental, qui passe à travers le plan astral, donc qui passe à travers l'âme. Et il y a des âmes qui sont plus aptes à vivre la certitude que d'autres parce qu'elles ont moins d'insécurité foncière que d'autres. Où il y a certitude, il y a une certaine sécurité. Où il y a incertitude, il y a insécurité. Mais ça, c'est relié à la nature de l'évolution de l'âme. Au cours de l'incarnation ou suite à l'incarnation, l'âme que tous les gens ont est sujette en plus à des facteurs extraordinaires, c'est-à-dire des facteurs culturels, des facteurs de conditionnement quelconque. Donc, vous pouvez avoir une âme qui serait capable de vivre une grande proximité avec la vibration de son esprit, mais à cause de l'incarnation, le caractère de l'incarnation, la nature, les influences parentales, les influences sociales, la personne pourrait perdre cette certitude-là. Donc, on vient au monde avec une certaine capacité, et cette capacité-là peut être accentuée et peut être aussi infirmée, dépendant du conditionnement qu'on vit sur le plan matériel. C'est pour ça qu'un être, c'est pour ça que lorsque nous parlons de conscience, nous parlons de reprise de contact avec soi-même, c'est-à-dire de rétablissement du partnership, si vous voulez, entre la source, qui est l'esprit ou le double, la conscience mentale, l'âme et l'ego. C'est une reprise. Il faut que l'homme reprenne contrôle de cette énergie qui fait partie de ses centres psychiques, qui fait partie de la fondation de son être, ainsi de suite. Est-ce que quand on vit dans un temps donné une certitude et que quelques années plus tard, on ne vit plus de la même certitude, est-ce que c'était une certitude fondée sur la psychologie, la certitude inconsciente, ou ça pourrait être une possibilité d'avoir vécu une certitude en contact avec notre mental qu'on a perdu à cause d'un conditionnement social? Une certitude mentale, une certitude psychique, une certitude qui vient de la conscience ou qui vient d'un certain état de rapport étroit avec la source, c'est une certitude qui n'a pas de variation. Elle est toujours constante. Oui. Okay. La vie peut amener l'homme à varier sa certitude, mais la certitude elle-même, elle est toujours présente. Vous pouvez pas perdre de la certitude quand vous êtes conscient. C'est une permanence. La certitude, c'est la présence, dans le fond, de votre. C'est la présence de notre esprit à travers l'âme, à travers l'ego. C'est comme la présence, la permanence de l'intelligence dans l'homme. C'est ça, de la certitude ultimement. Donc, l'homme peut pas la perdre. Quels que soient les événements qui se produisent dans sa vie, il va travailler en fonction de ces événements-là. Il va traiter ces événements-là d'une certaine façon, mais la certitude, c'est le fil électrique qui le connecte toujours à sa source. Et ça, ça devient le siège de sa permanence, ça devient le siège de sa créativité ascendante, ça devient le siège de sa grandissante liberté, ça devient le fil conducteur qui l'amène ultimement à être en contact avec d'autres niveaux d'énergie encore plus subtils qui font partie de la conscience des cellules, dont la projection du corps éthérique est un aspect fondamental. Bernard, souvent les gens, quand ils vivent psychologiquement une certitude, ils ont tendance à être sûrs d'une vérité, à être sûrs d'une forme. Et pendant des années, ils vont s'accrocher à cette vérité ou à cette forme et être presque des missionnés, là, des gens missionnaires de la situation. Est-ce qu'un être conscient, quand il vit une certitude, il est encadré aussi par une forme dans laquelle il vante les mérites? Le point que vous faites est très intéressant, parce que c'est justement là que se situe la différence. La certitude psychologique, elle est toujours fondée sur une relation plus ou moins étroite avec une certaine forme de vérité. C'est ce qui la caractérise. Mm-hmm. On peut prendre des éléments extrêmes là de certitude. Je veux pas nommer des gens ou des groupes en particulier là, mais bon, prenons un terroriste. Le terroriste a vit une certaine certitude basée sur une certaine valeur relative du vrai ou du faux en fonction de son conditionnement social, de la mémoire de la race. Témoin de Jéhovah vit une certaine certitude, ainsi de suite. Bon, alors, ces certitudes-là sont basées sur des valeurs relatives. Tandis que l'être conscient ne peut pas vivre sa certitude en fonction de valeurs relatives ou de valeurs psychologiques ou de formes psychologiques. La certitude est basée simplement sur sa capacité d'appointer exactement la dose d'énergie créative nécessaire à un événement fonctionnel par rapport à son expérience. Donc, quand on est sûr conscient, on est sûr d'une vibration de la façon. Quand on est sûr conscient, on est certain conscient, on est certain par rapport à une vibration, on n'est pas certain par rapport à la valeur psychologique de la forme. D'ailleurs, c'est probablement un des aspects les plus troublants de l'être conscient, c'est que l'être conscient n'étant pas prisonnier de la forme, n'étant pas envahi par la forme, devient dans un sens, toujours un être prêt à mettre en initiation des êtres. L'être inconscient, qu'il soit d'un certain niveau ou d'un autre, va toujours mettre des êtres en initiation parce que plus il devient conscient, moins sa certitude est basée sur la valeur de la forme. Et quand il est très très conscient, il n'est plus basé sa certitude sur la valeur de la forme, elle est basée sur la faculté créative de sa vibration. Et c'est ça qui demeure et qui devient la clé fondamentale de son insurrection contre la forme. C'est le début de sa liberté. C'est le début de la liberté. Mais est-ce que à ce moment-là, être sûr, dans le sens d'être conscient, ça implique de ne jamais être encadré ou de ne vivre que par rapport à un état temporaire face à une forme? C'est pas l'encadrement qui est le problème. L'encadrement est nécessaire parce que l'encadrement fait partie de l'ordre. Évidemment, psychiquement, techniquement, un être conscient n'est pas encadré, n'est pas encadrable. Je vous donne un exemple, là. Moi, je pourrais être au coin d'une rue, puis il y a un numéro rouge, puis je pourrais aller dans ma tête, puis savoir si il y a une police qui m'attend. Bon. Ou si je peux passer sa lumière rouge sans frapper personne. OK. Ça, c'est un aspect. Par contre, l'être conscient ne peut pas agir comme ça, à moins que ce soit réellement important, qu'il y ait des conditions, qu'il y ait des conditions fondamentales qui fassent qu'il soit obligé d'aller au-delà de la forme. Mais normalement, non, parce que à ce moment-là, peut-être qu'une petite vieille au deuxième étage qui regarde, si elle voit une personne qui passe à la lumière rouge, là, elle va dire, les gens sont-tu stupides aujourd'hui? Donc, déjà, l'être conscient aurait influé négativement sur sa conscience. Donc, l'encadrement fait partie de l'ordre, et l'ordre, à tous les niveaux, fait partie des limites nécessaires à l'évaluation psychologique et psychique d'une performance. Mm-hmm. Un être qui va au-delà d'un certain ordre, un initié peut aller au-delà d'un certain ordre, mais il va aller au-delà d'un certain ordre pour créer un autre ordre. Mm-hmm. Donc, si l'homme conscient brise les limites d'un ordre ou va au-delà des limites d'un certain ordre, il pourra créer un autre. Ça, souvent, les initiés vont faire ça. Mm-hmm. Donc, un initié va briser un ordre pour amener l'homme plus loin, puis ensuite, il va arrêter à un certain niveau, donc il va créer un ordre. Mais vous pouvez pas vivre en relation avec les hommes sans ne pas toujours respecter un certain niveau d'ordre. Une personne consciente, par exemple, seule, n'aurait plus d'ordre à vivre, n'aurait plus à s'assujettir à un ordre. Parce que son action n'est plus conséquentielle. Autrement dit, il n'affecte plus personne. Mais dans la mesure où l'être affecte quelqu'un, il est obligé de respecter un certain ordre. Et une des raisons pour lesquelles dans le monde aujourd'hui, ça va tellement mal, c'est parce que les êtres humains qui sont inconscients ont l'illusion de vouloir dépasser les ordres ou l'ordre des choses, et automatiquement, ils créent un désordre parce qu'ils ne sont pas capables de remplacer l'ordre, même s'il est limité. Ils ne sont pas capables de remplacer l'ordre par un autre. Ils ne sont pas capables de remplacer un certain niveau de désordre par un autre niveau de plus grand ordre. Il crée un plus grand désordre. Donc, avec le temps, ça s'accumule, puis on finit, dans le temps où on est là, où plus ça va, plus il y a du désordre, parce que l'homme vit l'illusion de la liberté psychologique. Quand on dit, par exemple, le problème qui se passe présentement aux États-Unis, qui éventuellement va se produire dans le reste de la civilisation, parce que tout commence aux États-Unis, aujourd'hui, aux États-Unis, sont rendus à un point où le désir d'un individu est toujours mesuré en fonction de la valeur constitutionnelle de ses droits. Bon. Fait que t'arrêtes un bandit, il va dire j'ai mon droit constitutionnel. Tout le monde a son droit constitutionnel. Éventuellement, ça va changer ça. Parce que le monde, l'individu peut pas créer l'ordre qu'il veut. Donc, il y a des ordres qui doivent être respectés. Puis, c'est pour ça qu'aux États-Unis, présentement, il y a beaucoup de conflagrations, beaucoup de désordres, beaucoup de violations du territoire psychique de l'individu, et que la vie psychique mentale de l'homme devient très difficile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maladies mentales, beaucoup de maladies physiques. Donc, le phénomène de la certitude, c'est un phénomène qui est très ambigu quand on est inconscient, parce que on n'a pas les moyens objectifs pour rivaliser avec une inconscience possible, dans ce sens que on n'est pas capable de voir jusqu'à quel point notre certitude, entre parenthèses, est intelligente. On n'est pas conscient des lois de conséquence. Tandis qu'un être conscient est conscient des lois de conséquence de sa certitude. Et étant conscient des lois de conséquence de sa certitude, automatiquement, sa certitude est toujours encadré dans un certain ordre, à moins que lui seul vive sa certitude par rapport à lui seul. À ce moment-là, il est plus régi par les lois de l'homme, il est régi par d'autres lois, mais là, ça n'a plus rien à voir avec la civilisation ou les conséquences de l'être en action de certitude par rapport à la civilisation. Bon, si je remarque, dans le phénomène d'avoir de la certitude en étant conscient, on doit être conséquent de l'impact de cette certitude, de cette conscience de l'ordre. Est-ce qu'on a une conscience qui est vibratoire de l'ordre ou si on a une conscience très détaillée de l'ordre qu'on a créé quand on est sûr d'un mouvement? C'est une conscience vibratoire. C'est strictement vibratoire. Donc, on n'est pas informé, vous parliez de la petite vieille qui regardait, on n'est pas informé qu'il y a quelqu'un qui nous regarde? C'est pas nécessaire. Bon. C'est une conscience vibratoire, ça fait partie de l'ordre de l'esprit, ça fait partie de la conscience de l'homme, ça fait partie de l'intelligence de l'homme, ça fait partie de la présence, ça fait partie de sa conscience. Tu peux pas arriver à la lumière rouge puis passer sa lumière rouge. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Mais... si t'affectes rien. C'est ça. Mais t'es jamais sûr si t'affectes. Puis l'homme est pas suffisamment conscient pour savoir s'il affecte quelque chose. Mm-hmm. Donc, ça fait partie des lois. Bon. Maintenant, est-ce qu'on peut être sûr à un moment donné, d'une façon consciente, et ne plus être sûr dans un autre temps, pour d'autres situations, d'autres événements? Quand t'es sûr, t'es sûr. Bon. Donc, une personne qui est sûre dans une dimension est sûre pour l'ensemble des situations. Oui. Ça veut dire que les gens qui vivent de la certitude à un stage quelconque dans leur travail ou dans leur vie affective, c'est encore des certitudes d'ordre psychologique. Des certitudes d'ordre psychologique qui sont basées sur l'expérience, qui sont en fonction de l'expérience, puis éventuellement, cette certitude peut être totalement renversée. Alors, vous avez des hommes, souvent, ou des êtres qui vont vivre une certaine certitude, puis après ça, ils s'aperçoivent qu'ils ont fait une erreur, par exemple. Bon. Tandis qu'un être conscient qui vit une certitude ne connaît pas l'erreur, ne vit pas par rapport à l'erreur, parce que sa certitude n'est pas basée sur la valeur de la forme, elle est basée simplement sur le mouvement de la vibration. Mm-hmm. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'on est totalement intelligent ou on est totalement inconscient? C'est un ou l'autre, là. Non, on devient de plus en plus lucide dans l'intelligence, où on est grandement aberré dans le discernement de l'intelligence. Si on prend un être humain, par exemple, normal, un être humain évolutif qui est très intelligent, là, disons qu'il est très intelligent, là, bonne éducation, tout ça, là, bon, intelligent, même si c'est pas de bonne éducation. Si sa conscience est manquante, on peut pas dire qu'il est intelligent. Il a une faculté intellectuelle très développée, mais il n'est pas nécessairement intelligent. Intelligent, ça veut dire vibrer à son esprit. Ça, c'est être intelligent. Même si vous n'êtes pas très, très intelligent dans la forme, vous êtes très intelligent dans la vibration. Donc, vous pouvez prendre une personne qui est très éduquée, ainsi de suite, qui apparaît intelligent à une personne qui est moins éduquée. Mais l'intelligence, ça va plus loin que ça. L'intelligence, ça devient éventuellement une vibration qui, à ce moment-là, qu'elle soit appliquée à travers une forme très développée, comme l'intellect ou l'éducation, ou une forme plutôt simple, va toujours demeurer lumineuse. Bon, quand on a accès à cette forme d'intelligence, on a accès à cette certitude, Est-ce qu'on est libre de l'erreur dans la forme? Dans la mesure où on est capable d'accepter la solitude de la vibration. Autrement dit, être capable d'accepter la liberté de l'erreur dans la forme, ça veut dire être capable de supporter la présence de son esprit. Faut jamais oublier que quand on parle de l'esprit ou qu'on parle du double, on parle d'intelligence sur un plan mental cosmique. Donc, à ce moment-là, ces êtres-là ne sont pas régis par les lois humaines. Dépendant du niveau de fusion qu'ils ont avec l'homme ou qu'ils auront avec l'homme, l'homme, selon sa capacité de vivre, sa fusion avec cette source d'énergie-là, développera un niveau de liberté par rapport à l'erreur. Parce que l'erreur, c'est une évaluation psychologique de la forme. Mm-hmm. Exact. Tandis que plus l'homme est conscient, plus l'homme sera conscient, plus l'homme sera capable de supporter la solitude dans son intelligence, pas de son intelligence. La solitude dans son intelligence, autrement dit, la solitude dans sa lumière. Autrement dit, plus l'homme sera capable d'être au-dessus de la conscience relative de la mémoire de la race, plus il développera une certitude par rapport à l'intelligence, par rapport à l'énergie, par rapport à la vibration, donc moins il sera sujet au reflet que crée cette intelligence quand elle passe par les couches inférieures de sa conscience, donc plus il sera libre, plus il sera certain, plus il sera éloigné de l'erreur psychologique. Parce que l'erreur psychologique, c'est une réflexion de l'ego. Mm-hmm. Mais l'homme a toujours un certain ego. Donc, s'il fait une erreur psychologique, ça dépend de sa capacité de supporter son rapport avec la source qui lui permet de pouvoir se libérer de la valeur réflective de son erreur sur son ego, sur son écran mental, sur ses émotions. Et de continuer de sexualiser aussi. Pardon? Pour qu'il soit capable de continuer de sexualiser. Ah, ben à ce moment-là, il continue à sexualiser. Puis s'il est rendu à un certain niveau, mais la source va l'amener un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin. Puis c'est ça que j'appelle l'initiation solaire. C'est amener l'homme le plus loin possible, jusqu'à temps qu'il soit capable de tout intégrer ça. Bon, on parle souvent d'initiation solaire dans le processus de la certitude. Et puis, qu'est-ce que l'esprit initie principalement dans la vie d'un individu? Quand un individu, pour la première fois de sa vie, prend conscience du fait qu'il existe un esprit, qu'il existe un double ou qui prend conscience qu'il y a un développement de conscience. Quel est l'élément dans lequel il peut s'attendre à être le plus initié? C'est quoi que l'esprit initie dans ses premières phases? Dans ses premières phases, jusque dans ses dernières, l'esprit va l'initier à détruire en lui toute forme de croyance pour le libérer de la valeur de la forme. De la valeur de la forme. Ouais. On pourrait dire que l'initiation solaire, c'est la destruction intégrale cosmique de la croyance de l'homme sur la Terre. En tout. Est-ce qu'il y a des formes ultimes ou des valeurs ultimes? Des valeurs qui, on peut dire qu'exemple, lorsqu'on a détruit la valeur dans telle forme, je sais pas, de la divinité, la politique, la croyance en quelque chose dans l'homme, est-ce que ça serait à ce moment-là de dire qu'une fois qu'on a franchi ça, c'est la dernière valeur qui restait à se dégager, à se libérer? Est-ce qu'il y en a une en particulier? Non, parce que la croyance, c'est l'enveloppe des valeurs. La croyance, c'est un gros glad bag. Dans la croyance, là, c'est un phénomène psychologique et un phénomène psychique, la croyance. Dans la croyance, vous avez tout. Vous avez la divinité, la politique, l'amour, vous avez tout. Toute l'expérience de l'âme ou des âmes sur la Terre, toute l'expérience de l'humanité depuis des millénaires, toute la conscience que l'homme peut avoir des lois occultes ou invisibles, toute la conscience de l'universel, c'est tout d'un glad bag. Ça, c'est de la croyance. Puis la croyance... C'est totalement détrimental à la conscience humaine. L'homme ne peut pas être intelligent s'il croit. À ce moment-là, dans une fusion, dans un processus d'initiation solaire, l'homme sera amené automatiquement à la destruction de la croyance. Donc, à l'élimination de la valeur relative par rapport à la conscience de l'ego. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire l'élimination de la valeur en tant qu'ordre, okay, mais de la valeur relative. Okay. Donc, par exemple, un homme qui aurait une certaine conscience, puis qui aurait un frère qui serait très spirituel, qui irait à l'église à tous les dimanches, si ça fait pas partie de sa vibration d'arriver à un certain niveau de conscience, l'homme conscient sera obligé de respecter le fait que cet homme-là va à l'église à tous les dimanches. Mmh. Autrement dit, c'est un ordre, parce que quand tu es conscient, tu es obligé de respecter les ordres, l'ordre de l'homme ou l'ordre de l'humanité. Sans ça, tu crées du désordre terrible. Mmh. Parce que la conscience, dans le fond, c'est toujours pour toi-même, si jamais pour les autres. Ouais. Mais dans l'initiation solaire, ou dans le processus de fusion entre l'homme et le plan mental, l'élimination de la croyance est fondamentale. Moi, je dirais que l'initiation solaire sur la Terre, c'est la destruction de la croyance. Et l'initiation astrale sur la Terre, c'est le développement de la croyance. Donc, l'involution, c'est le développement de l'initiation astrale sur la Terre jusqu'à la fin du 20e siècle. Mm. Puis l'initiation solaire, c'est la destruction de la croyance. La destruction, il va s'organiser pour le faire croire. Dans le sens que cette certitude-là, il va simplement la vivre pour lui-même, les autres. Il va la vivre pour lui-même, puis en parlant à l'homme, il va mettre l'homme en vibration. C'est évident qu'un être conscient a un certain niveau vibratoire d'intelligence, donc il va mettre l'homme en vibration. Si l'homme est réceptif à cette vibration-là, ben l'homme peut partir de là, puis grandir dans sa conscience, par lui-même, et ainsi de suite. Mais il ne pourra pas grandir dans sa conscience par rapport à un système de croyance. Parce que l'homme psychologique, qui croit, donc qui vit une certitude dans sa croyance, a tendance à se donner une mission par rapport à l'autre. Oui, parce que quand vous vivez une certitude psychologique par rapport à votre conscience, vous vivez la manifestation astrale de votre intelligence. Autrement dit, vous vivez l'expérience d'âme. Mm-hmm. C'est l'âme qui vibre. Puis l'âme, quand elle vibre toujours de la crainte. Donc, un homme qui impose de la croyance à un homme, il transfère toujours chez lui sa propre crainte. Si l'homme demande à un être de le croire, il se crée un allié astral. Okay. C'est quasiment, ça fait partie, loin, sur les plans subtils, ça fait partie de la manipulation de la magie noire. Entraîner une personne à croire, surtout quand on parle des choses importantes, là, des choses de l'esprit, on parle pas d'un verre d'eau, là, on parle de... Amener quelqu'un à croire dans des idéologies, à croire dans des idées, à croire dans des aspects surtout occultes de la réalité, c'est s'engager de façon subtile dans la méthodologie ou l'idéologie de la magie noire. Quand une personne est consciente et qu'elle dispose d'une certitude, elle se manifeste avec intensité, mais j'ai de la difficulté à voir... Elle n'a rien à prouver. Elle n'a rien à prouver. Ça, c'est la caractéristique. Ouais. Une personne consciente n'a rien à prouver, prends-les pas, bonjour... Elle ne s'engage pas avec l'autre. Elle peut s'entretenir avec l'autre, si l'autre a une certaine vibration, mais elle ne va pas la lier. Ça, c'est la caractéristique. Ouais. Et totalement, elle va avoir tendance à toujours rendre l'autre indépendante en esprit. Autonome. Aucune démagogie. Aucun besoin de s'affilier à une autre personne pour supporter notre propre insécurité. Mm-hmm. Bon, à ce moment-là, une personne qui vit de la certitude, pourquoi elle s'intéresserait à une autre personne? C'est pas qu'elle s'intéresse, c'est le processus créatif qui est mis en vibration, qui crée la connexion. C'est pas la personne elle-même. Okay. C'est la parole, c'est le mouvement créatif de sa conscience qui engendre. Puis d'ailleurs, ça, c'est intéressant que vous mentionnez ça parce que quand une personne commence à prendre conscience du processus vibratoire de la parole, au début, il est énervé, puis il parle, puis il veut parler, puis ça n'arrête pas, tu sais. Ça parle pendant des heures, puis des jours, puis des jours, puis des jours. Puis un jour, tu t'écœures de ça, tu veux plus parler. Il y a un temps, tu viens une parlite, là, c'est une maladie. Fait que tu veux parler, pourquoi? Parce que l'homme commence à découvrir la parole. Avant, il jasait. L'homme a jasé toute sa vie. Fait que, il n'a jamais rien appris. Là, il commence à apprendre un petit peu, il parle, c'est intéressant. Fait que lui, quand il parle, il apprend quelque chose. L'autre, quand il écoute, il apprend quelque chose. Fait que là, ça devient contagieux. Mais un jour, quand tu as parlé pendant 10 ans, 15 ans, tu ne veux plus parler, là. Fait que là, là, tu fais attention quand tu parles parce que tu sais ce que ça crée. Mm-hmm. Tu sais, des fois, je compte l'histoire quand j'étais en avion, je m'emmenais de Los Angeles à Toronto, à travers Toronto. Puis j'étais après écrit, puis c'est évident, quand j'écris vite, puis je regarde pas, puis je fume une cigarette, puis j'écris. C'est mécanique. Bon. Là, il y a un type qui est assis à ma droite, puis qui me regarde faire ça. Fait qu'éventuellement, c'était trop fort, puis c'est rien, il est venu me voir. Puis quand il est venu me voir, j'ai dit, bonjour George, comment ça va? Là, il est tombé en cours. Fait que là, comme c'était là, c'était fait, là, j'ai fait l'erreur d'ouvrir ma trappe. Là, il a fallu que j'y parle, j'ai parlé de ses enfants à Toronto. Puis là, j'arrive à Toronto. Bon, là, j'étais content là, de sortir de ma vie. Putain. Fait que là, j'étais assis. Puis d'un coup, je rencontre quelqu'un que je connais qui arrivait de la Chine, de Pékin. Là, ça continue encore. Fait qu'il vient un point, tu veux. Fait qu'à cette heure maintenant, en avion, je m'arrange pour choisir mon siège d'avance, que je sais qu'il n'y a personne qui me connaît. Puis là, je peux faire mes affaires, puis je parle pas par ça. Sans ça, ça finit plus. Fait que l'homme, éventuellement, en arrive à contrôler sa parole. Mais ça, ça prend des années. Parce qu'on est... on a perdu tellement le pouvoir de la parole qu'on a perdu la mesure de pouvoir se sonder soi-même. Parce que la parole permet de te sonder toi-même. C'est comme si la parole permet de sonder ton infinité. Quand tu parles, tu sondes ton infinité, dépendant de ce que tu parles, dépendant de ce qu'on te demande. Bon. Fait que si vous me demandez une question très, très occulte, que j'ai jamais parlé, là, je commence à la parler, donc ça me permet de sonder ça. Fait qu'au début, c'est intéressant parce qu'on n'a jamais été capable de se sonder soi-même. Puis, mais avec le temps, quand on est habitué à se sonder, mais éventuellement, on ne va plus se sonder. Fait que là, on contrôle la parole, puis on s'arrange pour parler quand c'est nécessaire. Comme là, j'ai rencontré Michel Richard et son mari hier au restaurant. Tu sais, c'est terrible, tu sais. Fait que elle est bien fine, puis tout le monde est bien fin, moi nous. Mais je magnétise tout le monde, tu sais. Puis je veux pas inviter le monde chez nous. Moi, je suis pas intéressé à rencontrer des artistes chez nous, tu sais. Fait que, mais comme il est bien fin, puis j'ai parlé bien plus de lui que d'elle. Puis j'ai dit, c'est pas toi qui m'intéresse. C'est pas Michel Richard qui m'intéresse. Toi, tu m'intéresses pas. Lui m'intéresse. Puis je vais te dire pourquoi est-ce qu'il m'intéresse. Parce qu'il est sincère, il est insécure, il est fin, il parle trop pour rien. Mais j'ai dit, une personne qui le rencontre, faut que tu le prennes comme il est. Faut pas que tu interprètes ce qu'il dit. Si tu interprètes ce qu'il dit, tu vas penser qu'il est snob. Puis si tu le prends comme il est, tu vas réaliser que c'est un petit gars qui est insécure, qui a travaillé bien fort, puis qui est sincère. Puis là, j'ai parlé, puis les waitresses nous écoutaient, les waiters nous écoutaient, puis là, ça n'arrêtait plus dans le restaurant, tu sais. Fait que c'est toujours de même. Ouais. Faut que j'apprenne à fermer ma gueule. Tu veux dire? Mais des fois, c'est le fun. La question qu'on se pose souvent, c'est qu'une fois qu'on a une connexion. Ce qui arrive quand tu arrives à un certain niveau, tu connais tout le monde. Fait que si tu parles à quelqu'un qui ne te connaît pas, puis tu le connais, là, il vient tout croche. Tu n'en as plus de secret. Tu n'as qu'à parler, puis ça sort, puis ça sort, puis ça sort, puis ça sort. Fait qu'à un certain moment donné, il faut que tu contrôles ça. Sans ça, tu magnétises l'être humain, tu sais. Puis après ça, il dit, ben, tu m'as investi chez nous, tu fais l'erreur de dire oui, t'es fait à l'os. T'sais. Après ça, c'est Radio-Canada qui arrive chez vous, tu sais. Fait que faut que tu mettes un stop à ça. Oui, mais si votre contact, si votre esprit veut faire... Mon cher, l'esprit, c'est un vampire. L'esprit, c'est un vampire, le plan mental, toutes les forces cosmiques, l'homme va comprendre ça un jour. Quand l'homme va comprendre ça un jour, l'homme va avoir tout compris. Les forces cosmiques, c'est totalement vampirique, pas dans le sens astral du terme, mais dans le sens qu'on est totalement niaiseux. Puis quand on devient niaiseux, quand on cesse d'être niaiseux, on commence à comprendre la game. Quand tu comprends la game des plans invisibles, et ainsi de suite, ou de n'importe quel plan, mais tu deviens bien lucide. T'sais. Là, ils sont contents parce que c'est ce qu'ils veulent. Mm-hmm. C'est ça l'évolution. Sans ça, il n'y a pas d'évolution possible. C'est terrible de croire. T'sais, c'est terrible. Si l'homme savait comment c'est terrible de croire, Y compris eux autres. Ben eux autres le savent encore plus, c'est des êtres intelligents. Non, mais je veux dire, nous, par rapport à notre source, croire là, ça va jusque-là. Ils sont même pas intéressés à ce qu'on les croit. D'ailleurs, dans la fusion, dans le processus de fusion, ils vont tout faire pour détruire ça parce qu'ils sont très, très conscients de la déchéance humaine à cause de ça. L'homme, c'est un être de lumière. L'homme n'a besoin de croire à rien. L'homme, il est connecté à sa source, il est sa source. Il faut qu'il intègre cette source-là, puis éventuellement, il devient cette affaire-là. Ça fait que pis ça va être très long, c'est d'ailleurs l'évolution de la race racine, c'est ça. L'homme ne peut plus croire. Regardez ce que ça a fait en Russie, en Allemagne, The American Dream. L'homme ne peut plus croire. L'homme va le réaliser un jour. Bernard, il y a beaucoup de gens qui. C'est plus qu'une impression, ça n'est presque une certitude pour eux autres. Ils ont l'impression très forte que leur certitude vient de leur source. Est-ce que c'est réel? Ah, ça c'est intéressant, ça me question. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est l'aspect le plus le plus subtil et le plus dangereux de la croyance. Parce que, si vous prenez le verre ici, la source c'est l'eau, puis le container, le verre, c'est l'homme. C'est l'ego. Un sans l'autre n'a aucune fonction. Si tu n'as pas de verre, tu ne peux pas boire l'eau. Comprends-tu? Si tu n'as pas d'eau, tu ne bois rien. Mm. Fait que l'être humain conscient, c'est ça. L'être humain inconscient, il vit plus, il vit moins de la forme, il vit plus de l'eau. Il n'y a pas d'équilibre, il se fait prendre. Mm-hmm. L'être humain inconscient doit, surtout je parle de l'être humain spirituel, là, qui avance, mm-hmm. qui est avancé, sensible, doit comprendre ça. Que ces forces-là sont sur des plans totalement prépersonnels. Puis, l'évolution de l'homme, la fusion, qui est un grand événement sur la Terre et dans le cosmos, dans l'univers au large, la fusion demande que l'homme en arrive un jour à totalement intégrer cette énergie-là. Pour pouvoir vivre sa réalité, son unité, sa fonction. Parce que l'être humain a une fonction, le verre a une fonction, pas être l'eau qui a une fonction. Mm-hmm. Puis l'évolution, les systèmes de croyance spirituelle de l'évolution nous ont amenés à donner plus d'importance à l'eau qu'au verre. Mm-hmm. Puis il faut que ça soit renversé, ça. Donc l'homme va apprendre à intégrer ça. Mais les forces vont toujours tester l'homme dans la croyance, parce que les forces savent que c'est là que l'homme est le plus vulnérable. Mm-hmm. C'est très difficile, vous savez, de vivre sans... C'est très difficile pour l'être humain de s'imaginer qu'est-ce que c'est pas pouvoir croire. Dans les registres que vous parlez, c'est effectivement très difficile. Ouais. Parce que si on a une relation avec une source, et que ça n'est pas parlé de l'extérieur, mais c'est vécu intérieurement, ouais. on a l'impression d'une force qui vient pas de nous. Là, tu sais. Donc, mais c'est une force qui fait partie de nous. Puis ce que l'homme sait pas, c'est que la force qui vient, ou la force qui se manifeste en nous, ou la communication qui se manifeste en nous, cette conscience-là, elle peut être facilement astralisée. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas pour l'homme de croire, surtout, c'est très dangereux, il ne s'agit pas pour l'homme de croire que sa source ou sa communication vient de la source. Il s'agit pour l'homme d'être totalement indépendant en esprit, c'est-à-dire être intelligent ici. Si l'homme est intelligent dans sa vie, autrement dit, si l'homme dans sa vie se crée un ordre, si l'homme se protège constamment dans sa vie, à ce moment-là, il est intelligent. Si l'homme se protège pas, il est pas intelligent. Fait que c'est pas de reconnaître. Éventuellement, l'homme le saura, le reconnaîtra, pourra voir les paramètres qui l'incitent à la différence entre l'astral puis le mental. Ça devient éventuellement évident. Mais au début, c'est pas évident. Puis la seule chose qui est évidente pour l'homme au début, c'est de prendre conscience de l'importance de mettre toujours de l'ordre dans sa vie. Si l'homme croit les forces intérieures qui lui parlent, il est fait, parce qu'il n'y a pas le discernement. Puis il est loin de la lucidité. Mm-hmm. Le besoin de croire chez l'homme fait partie de son insécurité fondamentale. Fondamentale. Mm-hmm. Mais alors, quand une personne dispose d'une ressource comme vous, vous avez en avion un contact avec un étranger, puis vous lui décrivez sa vie, vous créez des impressions extrêmement fortes chez l'individu. Quand vous disposez, pour les gens égoïquement, d'un talent de cet ordre-là, c'est une forme de pouvoir, c'est une sorte de capacité de se véhiculer dans toutes les formes, ça donne une mobilité extraordinaire. Il n'y a pas une responsabilité d'être, je dirais, créatif par le fait de disposer de cette relation-là avec la source. Mais vous l'êtes. Quand vous parlez de quelqu'un, quand vous parlez de quelqu'un, là, il y a, dans cette faculté créative-là, il y a des dimensions. Il y a plusieurs façons de parler d'une personne. Comme dans l'expérience dernièrement où je parle de cette dame, de cet artiste-là et de son mari. J'ai fait exprès pour mettre l'emphase sur son mari, mm-hmm. plutôt que chez elle. Parce qu'elle, elle aime son mari. Lui a besoin, c'est bon pour son moral d'être, de voir que quelqu'un qui peut, le comprendre, ainsi de suite, parce que c'est pas en société que ça se fait. Sa femme le comprend peut-être, mais en société, surtout dans ce monde-là, il n'est pas nécessairement facilement compréhensible, compris. Donc, de mettre l'emphase sur lui au lieu de parler d'elle, c'est déjà l'aider lui, donc c'est déjà lui donner quelque chose, puis c'est déjà donner à sa femme la confirmation que son sentiment par rapport à lui est pas mal juste, dans la mesure où un pur étranger qui peut aller chercher cette vibration-là. Donc, ça fait partie du pouvoir créatif. Mais quand je parle de responsabilité, je parle surtout au niveau du fait que ça, à cause d'une capacité, ça engage. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dispose d'un million. Ah, mais faut pas que vous engagiez trop. Faut pas que vous parliez trop. Il y a une mesure. Vous l'avez, la mesure. Si je l'avais invité chez nous, ça n'aurait pas été bon, parce que si je l'avais invité à ma maison, mais ça aurait continué encore, puis là, tu crées des amitiés, tu crées des alliances, puis ça finit plus. Fait qu'il y a une mesure, puis tu le sais quand arrêter. Mais ça fait partie de la lucidité. Si je les avais rencontrés en 1972, peut-être que je ferais encore après leur parler à soir, tu sais. Mais aujourd'hui, maintenant, j'ai tellement réduit mon contact avec l'homme que quand je le fais sur une base très courte, très intense, qui peut lui servir, puis je m'en vais prêt. Donc, dans la vibration, il y a une mesure, il y a un ordre, il y a une mesure. Puis, t'es sensible à cette mesure-là. Tandis que probablement avant, en 72, j'aurais pas été sensible à cette mesure-là, parce que j'étais pas capable de la contrôler, cette énergie-là, comme aujourd'hui. Tandis qu'aujourd'hui, c'est une seconde nature. Donc ça fait partie de la lucidité. Éventuellement, plus l'homme va être conscient, plus il va être capable de mesurer la dose. Il y a une dose. Tu parles à l'être humain, il y a une dose. Il y a des gens, tu peux leur parler de temps. Il y a d'autres personnes, tu peux leur parler de temps. Il y a d'autres personnes, tu ne leur parles pas en tout. Puis tu le sais, c'est dans la vibration. Donc ça fait partie de ta sensibilité intérieure. Ça fait partie de ton intelligence, ta conscience, ta certitude. Ça s'établit pas sur un paramètre quelconque. Ça varie avec chaque individu. OK. Chaque individu. Est-ce que ça dépend de la fonction que vous avez à véhiculer avec la personne? Ça dépend de ce que vous avez à vivre avec. Quand vous êtes rendu à un point, en tout cas comme moi je le suis, où j'ai plus d'intérêt à rencontrer l'homme en privé, parce que je veux vivre ma vie privée avec ma femme puis ma fille, ma famille, à ce moment-là, mais tu crées des barrières, tu crées des limites, tu doses ton langage. Tu doses la mesure de ce que tu es capable de révéler de ces personnes-là, parce qu'il y en a plus de limites. Tu peux connaître n'importe qui à distance ou proche. Donc, ça fait partie de ton intelligence de contrôler ça. Puis c'est ça la lucidité. OK. Une grande certitude, ça donne beaucoup d'autorité, beaucoup d'intensité. Est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est un noyau de vie intime qui nous protège d'un débordement quand on dispose de cette intensité? Est-ce que c'est l'unique ou le seul moyen de contenir cet élément? Dans l'évolution actuelle où l'homme vit une conscience mentale en contradistinction avec une conscience spirituelle, oui. Dans une conscience mentale, l'homme a besoin d'être engagé dans un cadre très personnel, très près de lui, avec lequel il est complètement en harmonie pour pouvoir contenir toute cette énergie-là. Sinon, cette énergie-là va se diffuser dans le monde. Moi, si j'étais pas marié, j'avais pas une famille, là, qui est très nécessaire à ma vie, même en tant qu'initié, je pourrais pas contenir cette vibration seule. Fait que probablement que je me créerais des groupes, peut-être que je serais devenu un gourou, un gouzou, quelque chose. Faut que tu parles. Tu peux pas parler au mur, tu peux pas parler à ton chien. Fait que dans une famille, dans un noyau familial où t'as une femme ou un mari, ainsi de suite, là, avec lequel t'es capable d'engendrer cette énergie, n'importe quand, à ce moment-là, ben, elle est contenue, cette énergie-là. Puis quand t'as besoin de l'utiliser, de la véhiculer à l'extérieur, t'as véhiculé à l'extérieur, mais ça te donne une capacité de revenir à un point de focalisation très intense qui est ta famille. Puis, donc, ta famille devient essentielle. Pendant l'évolution, les initiés qui vivaient des initiations astrales très spirituelles n'avaient pas besoin de famille parce qu'ils étaient mariés aux forces, puis on finit toujours dans des cul-de-sac. Mais dans l'évolution, l'homme conscient, l'initié solaire, aura besoin d'une relation étroite avec une personne ou un certain nombre de personnes qui ne sont pas greffés à la masse des personnes avec lesquelles ils peuvent être en contact pour pouvoir se continuer à véhiculer cette énergie-là. Parce que quand tu as une conscience mentale, tu ne fais pas de méditation, tu sais, tu es tellement conscient des lois occultes, des forces, tu es tellement conscient des forces, ta haine des forces est tellement grande que tu n'es pas intéressé à faire de prière, puis tu n'es pas intéressé à méditer, tu as dépassé tout ça. Fait qu'à ce moment-là, l'être humain, l'amour que tu as pour l'être humain contrebalance l'amour spirituel que tu peux avoir pour les forces occultes. Et ça, c'est le début de la conscience de l'homme nouveau. Si vous me demandez qu'est-ce que c'est la marque de l'homme nouveau, ça sera sa capacité d'aimer plus l'homme que les forces occultes. Et ça, ça demande beaucoup de discernement. Surtout pour un être humain qui a été violé pendant des millénaires dans sa conscience, qui a vécu une conscience expérimentale, qui n'a jamais compris les mystères, qui n'a jamais pu connaître les lois de l'origine des mondes, des temps. L'homme n'a rien su. Donc, tout ce qu'il a su, ça a été par symbolisme, par parabole, ainsi de suite. Donc, l'homme a été réellement violé depuis la coupure avec les circuits universels. Et revenir avec les circuits universels, mais c'est beaucoup d'énergie. Puis, il y a besoin de quelqu'un, un ami ou une femme ou un mari ou quelqu'un de très près avec lequel il peut échanger constamment, tant qu'il veut, mais dans une très, très grande harmonie. Sinon, l'homme va avoir tendance à socialiser cette énergie-là, puis à ce moment-là, à créer des groupes. D'ailleurs, la raison pour laquelle les hommes qui ont une certaine vibration spirituelle sont toujours amenés à créer des groupes et des religions, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de contenir cette énergie-là. Ils ne sont pas capables de balancer une force cosmique avec l'amour qu'ils ont pour l'être humain. Et un jour, quand l'homme ne croira plus, l'homme comprendra que la plus grande importance de l'intelligence sur une planète, que ce soit la Terre ou que ce soit une autre planète, c'est la capacité de se libérer complètement de l'affection que l'on peut avoir pour les mondes intemporels. Parce que les mondes intemporels, ce sont des mondes impersonnels, prépersonnels. Ce sont des mondes qui sont régis par d'autres lois. Vous ne pouvez pas demander à des morts d'agir comme nous autres, de penser comme nous autres, de sentir comme nous autres. Et vous ne pouvez pas demander à des êtres dans le monde de la lumière de sentir comme nous autres, puis d'être comme nous autres. Nous autres, on est, l'homme est sur la terre parce que l'homme fait partie de la 7e fondation. Le plan astral, c'est une autre fondation. La 5e fondation, la 4e fondation qui fait partie d'un autre ordre. Puis le plan des doubles, ça fait partie de la première fondation universelle. Donc, ce sont des mondes qui sont totalement différents, mais qui ont une relation étroite de construction et d'évolution ensemble. La fonction de l'homme, c'est de comprendre ces lois-là, d'intégrer ces forces-là, de se libérer des forces astrales, rentrer en fusion avec les forces de la lumière, autrement dit, devenir intelligent, créatif et pouvoir finalement perpétuer sa lumière sur un plan, d'abord matériel, et ensuite sur un plan éthérique. Pour ça, l'homme ne peut pas avoir aucun amour, sentiment pour les forces spirituelles. Un des grands problèmes que j'ai présentement avec le livre que j'ai publié pour les Américains, c'est que les Américains disent toujours « qu'est-ce qu'ils pensent, M. Bernard, de l'amour ?» Les éditeurs nous reviennent toujours avec ça. What does he say about love? What's his position on love? Puis quand ils voient le manuscrit du livre qui a été écrit pour eux autres, là, ils sont tous énervés parce que ils sont pas capables de lire le livre puis aller chercher une méthode là-dedans et se dire, bon, mais on a lu le livre, là, puis après avoir lu le livre, on va être fusionné. Ah, ouais. Ils l'ont pas, ça. T'sais, ils veulent toujours des formules. 595 pour une douzaine de formules. Ça marche pas de même, fait que c'est bien difficile pour eux autres. Tout le mouvement New Age aux États-Unis, là, ils sont bien énervés avec le livre. Ah, le livre est bien intelligent, c'est bien intéressant, mais ils sont bien énervés. Pourquoi? Parce que ils sont pas capables de sentir qu'est-ce qu'ils vont nous donner le livre. Ça fait que là, l'éditeur est obligé de d'écrire une introduction là pour le livre, pour que ça soit un petit peu plus palpable pour eux autres, tu sais. Fait que c'est pas un cadeau. Fait que si j'écris pour les Chinois, c'est encore pire. Les Japonais, c'est encore pire. Faut que j'écrive pour chaque peuple. T'sais, les Allemands, ils ont une certaine mentalité. Les Italiens, une autre mentalité. Les Français, une autre mentalité. T'sais. Tu peux pas écrire un livre pour tout le monde. Ils ont une vibration différente. Fait que pis les Américains, je les ai accrochés en ketchup. T'sais, l'amour, la spiritualité, love thy neighbor. Fait que là, je leur ai rentré dans le plexus solaire. Puis, c'est un arbre. Fait que... Mais, Bernard, quand un individu vit seul et puis qui vit de cette intensité, est-ce que vous me parlez tout à l'heure de l'être tendance à socialiser et à faire des groupes, est-ce que des relations avec des amis, ça peut substituer une vie de couple pour pouvoir canaliser cette intensité? Des relations avec des amis, ça peut substituer une vie de couple temporairement, mais éventuellement, il n'y a rien comme une vie de couple. Il n'y a rien comme un couple. Quand même, ça sort ton chien. Tu sais, un couple, c'est un couple. On peut pas communiquer avec un chien. Bon, ben, supposons que t'es capable. Je fais Alexis. Tu sais, t'envoies des petites vieilles de 65 ans, 70 ans, ils ont leur chien, ils ont leur toutou. Ils sont bien mieux que leur toutou qu'avec un ancien mari. Tu sais, ils sont bien avec leur chien. Bon, ben, c'est un couple. Bon. Mais, un couple, c'est un couple. Tu sais, un couple, c'est un couple, un homme pis une femme, ou un homme pis un homme pis une femme pis une femme pis un homme, tu sais, whatever. Pis un chien. Un homme pis un chien, tu sais, une femme pis un chien. Un couple, c'est un couple. Un couple, c'est l'intimité psychologique d'une vibration intelligente qui se permet de distribuer facilement entre les deux partenaires l'impression d'être mutuellement respectueux de l'intelligence de l'autre. C'est un couple. Mais on peut respecter l'intelligence d'un ami. Ben oui, mais ça, c'est pas un couple. Mais c'est, ça se rapproche. Mais un ami, c'est un ami. Un ami, c'est un petit peu en dehors d'un couple. Est-ce que tu peux pas vivre indéfiniment avec un ami. Un ami, un jour, il va falloir que tu fasses un couple avec. Comment tu dirais, bon, mais je l'aime bien, cette fille-là, c'est mon ami. T'sais, un jour, tu vas vous allez vous frotter les doigts ensemble, puis il va y avoir de l'électricité qui va produire, qui va se passer, fait qu'il va, elle va rentrer dans ton orbite, ou tu vas rentrer dans le sien, ça va former un couple. Tu sais, un couple, c'est une appartenance? Un couple, c'est la création psychologique d'un ego qui se permet, à travers et en relation avec un ego, de supporter un niveau d'intelligence qui est le sien par rapport à un autre niveau d'intelligence qui est l'autre, dans une fonction d'harmonie qui fait en sorte que l'intelligence de un est mise en échec par l'intelligence de l'autre pour que un fasse pas l'erreur. C'est ça, un couple. On va retourner à l'école. Mais pourquoi mise en échec? Parce que tu peux pas être intelligent tout seul. Surtout si tu es contacté, surtout si tu as un contact intérieur. Tu peux pas être intelligent tout seul. Tu sais, quand un gars te dit, là, le Christ me parle, là, il est fait à l'os. T'sais. Okay. T'sais, t'es plein d'évangélistes. Le Christ leur parle. Il faudrait qu'ils regardent qui c'est qui leur parle. Fait que ça va loin l'affaire. Tu peux pas être intelligent tout seul. Fait que oublie ça, être intelligent tout seul. Oublie ça. Okay. Que tu sois initié, pas initié, oublie ça, être intelligent tout seul. Puis sais-tu pourquoi? Parce que être intelligent, la raison pour laquelle tu peux pas être intelligent tout seul, c'est parce que l'énergie de l'intelligence est une énergie descendante, mon cher. Puis l'énergie, faut qu'elle circule puis qu'elle remonte. Puis elle remonte à travers l'autre. Fait que si elle descend en toi, puis qu'elle remonte pas à travers l'autre, t'es fait à l'os. Tu peux pas être intelligent tout seul. Fait que quand je parle de couple, je parle d'unité, d'union, de relation avec une autre personne, que ce soit un couple, là, un couple-couple, là, ou que ce soit un chum, ou que ce soit un partner, mais tu peux pas être intelligent tout seul. Tu sais, je donne tout l'exemple de la petite femme là qui est dans sa cuisine, là, qui fait des sauts au poids, puis elle est bonne, là. Puis là, son mari qui est un PhD, qui est un ingénieur, là. Puis un jour, ils font un party, puis il y a des businessmen qui viennent à la maison. Puis la petite femme est dans sa cuisine avec son elle regarde du coin de l'œil ce qui se passe dans le salon, là. Puis elle a pointé, elle l'a vu le gars, là, que son mari a dit, bon, mais à soir, là, il y a un homme d'affaires qui vient, il est bien intelligent, on peut faire des affaires. Puis quand le party est fini, la petite femme, elle va dire à son mari, ingénieur, intelligent, PhD, Université de Montréal, là, elle va dire, lui, là, je le trosse pas. Mm-hmm. Puis là, le gars, lui, il veut être intelligent seul, il va dire à sa femme, qui est en parenthèse bien simple, là, qui fait de ce pour poids, il va dire, toi, qu'est-ce que tu connais dans affaires? Mets-toi donc tes affaires. Là. Moi, j'ai un PhD, j'étais un ingénieur, lui, c'était un ingénieur, on sait quand. Puis trois mois après, la première chose que tu sais, le gars le pauvre. Puis elle dit, je te l'avais dit, hein, puis là, elle se mouche avec son apron, là, comment ça fait ça? Son tablier, puis elle pleure. Elle dit, je te l'avais dit, mon amour, hein. Puis là, il dit, ouais, tu me l'avais dit, ouais. Tu peux pas être intelligent de ça. Puis la première chose que l'homme va apprendre, je parle de l'homme conscient, là. La première chose que l'homme nouveau va apprendre, c'est que la femme a un rôle à jouer dans son évolution, dans sa vie, elle a un rôle extrêmement important, puis il va réaliser que la femme a une sorte d'intelligence que l'homme n'a pas, puis s'il ne va pas la chercher, il est fait à l'os. Merci, Bernard.